Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, a visité le 28 novembre l'ambassade cubaine en Corée pour exprimer ses profondes condoléances au décès du dirigeant suprême de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz. Il a été accompagné de Fang Byung-so, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'Armée populaire de Corée, et Kim Kye-kwan, premier vice-ministre des Affaires étrangères. Une couronne mortuaire au nom du maréchal Kim Jong-un y a été déposée. Le maréchal a observé avec sa suite un moment de silence à la mémoire du défunt. Ensuite, il a écrit dans le livre de deuil. Bien que l'éminent dirigeant soit décédé, son nom et ses exploits resteront à jamais dans notre mémoire. Avec le chagrin de la perte du grand camarade, grand compagnon d'armes, Kim Jong-un. Le maréchal Kim Jong-un a exprimé ses condoléances profondes en consolant l'ambassadeur cubain Jesús de los Ángeles Aice Sotolongo et ses collaborateurs. Il affirmait que la nouvelle du décès subi du dirigeant suprême de la révolution cubaine Fidel Castro Ruz a affligé fort le peuple coréen et que c'est une grande perte pour les partis, les gouvernements et le peuple de deux pays. Il a souligné que bien qu'il ait quitté le monde, ses exploits nobles brilleront à jamais dans le cœur des peuples de deux pays et de l'humanité progressiste. Il s'est montré certain que le peuple cubain révolutionnaire obtiendra infailliblement la victoire dans l'édification d'une société idéale du peuple puissante et prospère et la cause socialiste en surmontant la douleur due à la perte de son dirigeant éminent sous la direction éclairée du camarade Raúl Castro Ruz, suivant la volonté de vie du camarade Fidel Castro Ruz. L'ambassadeur cubain a formulé ses reconnaissances profondes au maréchal Kim Jong-un qui s'est rendu à sa résidence pour partager la douleur avec eux.